Je cherche les accords. C'est tout des trucs en tablature. Ah oui, d'accord. Faut peut-être chercher les accords. Si tu y trouves avant, tu me dis. Je vous avais écrit. Mm-hmm. C'est quoi ces paroles? Patience. dream will I come true? Goodbye, Mary. Goodbye, Jane. Will we ever meet again? Feel no sorrow, feel no shame. Come tomorrow, feel no pain. Thank you. stranger. Stranger, it's been nice. Hope you Yes. Thank you. Cool. Pour l'harmonica. It's raining again.